L'actualité à Nancy et ailleurs. Premier rendez-vous du Éphémérite Festival, c'est du 20 au 22 octobre et ça se passe à l'Octroi à Nancy. Pour nous en parler, nous accueillons par téléphone Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Éphéméride ? C'est ça, oui, président et membre du collectif Éphéméride. Cette association est le collectif qui organise cette première édition. Expliquez-nous déjà comment est née l'idée d'un festival. Et il va se passer pas mal de choses. Il y a une exposition, il y a book fair, workshops, conférences, parties. C'est quoi le festival Éphéméride ? Alors, Éphéméride Festival, c'est une idée qui a germé depuis maintenant 3 ans. Éphéméride, c'est un collectif déjà qui est né à l'École nationale supérieure d'art de Nancy, à l'initiative de 4 étudiantes en art. Donc, Lola Avez, Juliette Lefebvre, Valentin Louba et moi-même. C'est un collectif qu'on a monté comme un média à la base au moment où les écoles d'art fermaient à cause du Covid pour lutter contre la vacuité qu'on pouvait ressentir dans les écoles d'art à travailler alors qu'elles étaient toutes fermées. Et dans un premier temps, du coup, l'idée c'était de tirer parti des outils numériques d'abord pour essayer de faire un lien entre les membres de la communauté du graphisme. Et après le déconfinement, l'idée c'était aussi de pouvoir se retrouver ensuite tous ensemble dans la réalité. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée donc de faire un festival. Et voilà, 2023 donc marque la réalisation concrète hein, de ce que vous avez imaginé à l'époque. Donc j'imagine avec une certaine impatience. Ah oui, bien sûr. On approche même à la dernière ligne droite et puis c'est une grande fête. Il s'adresse à qui cet éphéméride de festival ? Le festival, on l'a conçu non seulement comme un festival pour rassembler les membres de la communauté, du coup, de design graphique et des arts visuels, mais avant tout, même pour un public plus large. Le point d'orgue de la curation, donc de l'exposition, qui est un peu le squelette du festival, c'était justement d'essayer d'avoir une représentation plus transparente des réalités concrètes des métiers et des pratiques du graphisme, justement, pour un plus large public. Je pense que c'est une exposition et un festival qui peut être tout aussi précieux pour des étudiantes en graphisme que des gens qui sont curieuses et qui peut-être souhaiterait se destiner aussi vers ces pratiques-là. Donc ça peut être pour des futurs étudiants, des personnes qui s'intéresseraient à ce milieu-là, et peut-être mieux le comprendre aussi. Bien sûr, c'est un enjeu principal dans le fait de montrer le graphisme, c'est aussi pour mieux faire comprendre le rapport qu'on a tous aux images, qu'on soit dans ce milieu-là ou pas. Lors de cette première édition de l'Éphéméride Festival, on va notamment avoir des conférences de programmer. Il me semble qu'il y en a 3 au programme. Elles sont destinées à qui particulièrement ces conférences ? Est-ce que tout le monde peut y participer ? Tout le monde peut y participer, effectivement. Déjà, pour la plupart, c'est des conférences qui sont pensées comme des tables rondes, donc de manière inclusive avec le public. Et donc, c'est des conférences où on a souhaité inviter des collectifs qui travaillaient avec le même engagement qu'Éphéméride dans des pratiques collectives et ouvertes. Non seulement on a invité donc le collectif La Vie Gagnée et Fossile Futur, on a aussi invité Enza Le Garec, qui est une typographe et une designer graphique qui travaille sur des questions de représentation queer, de la culture queer. Donc ça s'ouvre infiniment plus que simplement à des pratiques de graphisme spécifiques. Lors de cette première édition aussi, il y aura un book fair. Un book fair, tout simplement, c'est l'anglicisme pour une foire au livre. Donc c'est un temps où on a proposé à des personnes de venir exposer et vendre des objets, plutôt des objets multiples. Donc ça peut être des livres, de la micro-édition, mais d'autres choses, d'autres objets plus artisanaux produits en série. Des conférences, un book fair, une exposition aussi, et un workshop. On a 2 workshops qui vont se dérouler la journée du samedi 21. Un workshop mené par Marielle Nils et un autre workshop par Hypophys. Les inscriptions sont encore ouvertes d'ailleurs. Alors comment on fait pour s'inscrire, pour y participer ? Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'aller soit sur notre Instagram, @ephemeride.fun, ou sur notre site internet, www.ephemeride.fun. Donc l'Éphéméride Festival, c'est du 20 au 22, ça se passe à l'Octroi, à Nancy, c'est à partir de quelle heure ? Le vendredi, c'est le soir de vernissage, donc c'est de 19h à 22h. Ensuite, la journée du samedi, c'est de 14h à 21h pour l'exposition, et ensuite de 22h à 2h du matin pour la fête, et dimanche, on finit de 11h à 18h. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette première édition à toute l'équipe, à tout le collectif Éphéméride ? Si vous nous écoutez, vous pouvez nous souhaiter qu'on se croise et qu'on puisse discuter et que ça puisse vous profiter aussi. Et une fois le festival terminé, est-ce que vous avez déjà d'autres projets, d'autres dates ? De novembre à février, on a une résidence de prévue au Centre National du Graphisme à Chaumont, du coup avec tout le collectif Éphéméride. Et là aussi, on vous suit sur Instagram et sur votre site éphéméride.fun ? C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.